Alors, bonjour à tout le monde, j'ai pas eu l'occasion, je suis arrivé un peu en retard, de dire bonjour à tout le monde. C'était un plaisir d'étudier Colossiens 3 cette semaine et j'espère aussi que vous avez un plaisir de le lire. Juste au passage, Roald, comme ça puisque vous êtes tous là, moi j'ai rencontré quelqu'un aux Philippines qui voulait être bénévole à bord du Doulos, donc je l'ai accepté pour 2 semaines à bord. Et quand je l'ai interviewé pour son entretien de candidature, il m'a dit qu'il était devenu chrétien à travers Manga le Messie, qu'il avait lu en anglais dans une librairie aux Philippines. Juste pour la petite histoire. Et depuis, je ne sais pas où il est, seul Dieu sait, je pense. Alors, le passage, c'est Colossiens 3, verset 1, jusqu'à Dieu voulant, Colossiens 4, verset 1. Le titre pour ce matin, c'est « Les chrétiens sont les mieux fringués ». D'accord ? Et puisque ce n'est pas le cas, on le sait tous, c'est pour ça qu'on a rigolé. Pourtant, c'est vrai, selon Colossiens 3, les chrétiens sont les mieux fringués, ne me regardez pas. Alors, comme dans toutes les lettres de Paul, au chapitre 3, on passe pour un côté plus pratique. Chapitre 1 et 2, plus de la théologie profonde, géniale. Chapitre 2 est merveilleux, en particulier. Mais là, on arrive maintenant à une application de qu'est-ce qu'on a vu. Et est-ce qu'on serait capable de résumer l'évangile que Paul a présenté dans chapitre 1 et chapitre 2? Alors, rapidement, chapitre 1, l'humanité allait mal. Les hommes s'étaient rebellés contre leur créateur. Heureusement pour nous, Dieu n'était pas juste en colère avec nous, il a aussi de la tendresse, de l'amour pour nous, et il avait préparé, depuis le début de la création, par Jésus, de nous réconcilier avec lui, et il nous offre sa paix. Ça, c'est le chapitre 1. Et dans Colossiens 2, Paul s'oppose aux faux enseignements qui se sont infiltrés dans l'église de Colosse, et il rappelle donc la vérité sur Jésus. Il est Dieu. Il était de tout temps. Et en lui, toute la plénitude de Dieu habite. Et il nous rappelle aussi qu'on n'est plus obligé de se soumettre à des lois strictes et moralisatrices sur le manger, le boire, le respect des sabbats, des dimanches ou des jours fériés. Ces lois ne servent plus à rien. Elles sont là pour essayer de nous donner une bonne conscience. Mais au chapitre 2, il nous rappelle que Dieu ne nous offre pas une bonne conscience, mais une conscience lavée, pardonnée, par Jésus-Christ, avec qui nous sommes morts et ressuscités. Et c'est là qu'il utilise cette illustration magnifique, et on n'a pas eu le temps la semaine dernière de le voir, mais Paul utilise un langage tiré du temps des rois et des conquêtes militaires, que Jésus a triomphé sur les puissances et les autorités. Et il les a dépouillées et ridiculisées. Et en fait, c'est un peu Astérix et les lauriers de César. Cet album où César rentre, il a battu les pirates. Et à l'arrière de son cortège, on retrouve les pirates tout peinaux, enchaînés, ridicules. Et c'est ça, il présente dans le chapitre 2... Jésus, le vainqueur, par la croix, et il rentre en ville. Et derrière, à l'arrière, tout à l'arrière du cortège, il y a Satan et les démons qui sont enchaînés, nus, ridiculisés par la foule. Et Jésus triomphe. Et c'est comme ça qu'on arrive au chapitre 3, qui commence comment, Nathan ? Et donc vous êtes ressuscité avec Christ, car c'est les choses d'en haut, et Christ assis à la droite de Dieu. Paul va devenir extrêmement pratique. Si donc vous êtes ressuscité avec Jésus, changez d'optique, regardez en haut. Le « si donc » fait référence, comme j'ai dit au chapitre 2, si on est mort avec lui, on est ressuscité avec lui, alors tout change. Maintenant, regardez aux choses d'en haut. Verset 2. Vas-y. Voilà, les 4 premiers versets, il va créer sa thèse dit, Fanny, est-ce qu'on cherche les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite de Dieu, dans toute sa gloire. Alors peut-être vous vous demandez, et bien sûr on va essayer d'aborder tous les versets, hein, ça va être un peu difficile, mais tous les versets pour justement nos champions, comme ça si on leur pose des questions difficiles, ils pourront répondre. On est censé chercher quoi en haut au juste? Alors voilà une réponse sous forme de verset, et on va aller vite. David répondrait, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et Jésus nous dirait, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et Paul dirait dans Philippiens 3:20, « Mais nous, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » On attend d'en haut toutes les meilleures choses du monde, mais je suggère de Philippiens 3 que le trésor, the big trésor, comme diraient certains, c'est Jésus. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Alors si ce n'est pas motivant pour vous, pour nous, on doit vérifier nos motivations. En tout cas, pour Paul, on doit regarder aux choses d'en haut, parce que de là-bas, on attend notre Sauveur. Verset 4. Pas grave. Ah, ouais, tu as raison, verset 3. Ok. Alors, deux premiers versets explicatifs. Deux premiers versets, la thèse. Troisième, car vous êtes mort. Il revient au Colossiens 2. Hein. Vous êtes mort, donc changez de comportement. Les vieilles choses sont passées. Juste une idée. Peut-être cette image peut vous aider. Quel geste est-ce qu'on fait quand on sort la tête de l'eau? Imaginez un film, c'est assez classique comme scène, la fille qui est coincée sous l'eau, elle est en train de se noyer, et puis tout d'un coup, elle arrive à se dégager de quelque chose dans l'eau, et hop, elle sort, la tête qui sort d'abord, elle regarde dans le haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage les cheveux, et elle respire, d'accord? Elle respire, elle regarde vers le haut. On est mort. Et c'est l'image du baptême que Paul utilise. On nous plonge dans l'eau, on nous sort de l'eau. Et le baptême, c'est l'illustration. Vous êtes mort avec Jésus et vous êtes revenu à la vie avec Jésus. Et c'est ça qu'il dit, vous êtes mort et votre vie est maintenant cachée avec Jésus. Verset 4 dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez remarqué, le texte ne dit pas quand Jésus paraîtra, il dit quand Christ, votre vie, paraîtra. Il reprend le verset 3. Votre vie paraîtra. Maintenant, si tu es chrétien, bien sûr le chapitre 3 s'adresse aux chrétiens, parce que c'est si donc vous êtes ressuscité avec Jésus. Sinon, ben, ce chapitre n'a pas vraiment d'importance encore pour vous. Mais si Jésus... Si tu es ressuscité avec Jésus, ta vie est maintenant, notre vie est maintenant indissociable avec la vie de Jésus. Ce que Jésus désire, je veux. Ce que Jésus exige, j'accomplis. Christ est désormais notre vie. Et c'est pourquoi, avec Paul, on dit, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce qu'on attend vraiment, ça, ce serait ma première question pour nous, est-ce qu'on attend vraiment Jésus-Christ? Je pense qu'on vit trop facilement, moi le premier, pour ce qui est ici, sur terre. Et c'est une banalité de le dire comme ça. Et pourtant, on peut être impatient pour tellement de choses. Que ce soit le nouvel objet de technologie, que ce soit le prochain match de foot, ben la France qui a joué hier, on n'est pas très impatient pour ça, mais on peut être impatient pour plein de choses ici sur Terre. Prochain concert, Et pourtant, est-ce qu'on est impatient du retour de Jésus? Notre vie paraîtra et nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Alors moi, le rappel le plus fort pour moi, ne rigolez pas, hein, évidemment, c'est Hannah, ma copine. On se voit une fois par mois, grand maximum. Et les séparations sont vraiment pas agréables. Elle me manque tellement et je me souviens du bonheur de la tenir dans mes bras, de se promener le soir, de regarder le soleil couchant. Et quand on se quitte, ça me manque parce que je sais qu'est-ce que je n'ai plus. Et donc j'ose conclure que si Jésus ne nous manque pas, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Si Jésus ne nous manque pas, c'est parce qu'on ne l'aime pas. C'est si simple. Si vous ne dites pas le matin, ma grand-mère le faisait. Jésus revient bientôt. Je me souviens des conversations, des petits moments de prière avec elle. Sophie, hein. Jésus revient bientôt. Moi, je n'arrivais pas à vivre ce même désir. Et ce serait ma première question pour nous, Fanny. Est-ce qu'on désire le retour de Jésus? Verset 5. Voilà, alors il y a des grands mots là. Alors, d'ailleurs j'ai complètement oublié de dire la première partie. La première partie, c'était le chrétien se déshabille. D'accord? Et ça commence déjà bien ici. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. On commence avec les applications en fait. Versets 1 et 4, la thèse. Et à partir du 5, on commence. Ainsi donc, faites mourir. Alors il y a des mots compliqués. Si on te posait la question, Nathan, qu'est-ce que c'est la débauche? Le péché, oui. Alors voilà, je te propose une réponse, je pense que tu auras la cagnotte là, avec tous les points. Le mot grec pour débauche est pornéa. Racine du mot français, de notre mot pornographie. Mais dans ce mot, il y a aussi la connotation d'immoralité et d'adultère. Alors franchement, ça c'était à côté, mais pornéa, tout de suite on sait, c'est tout ce qui est désir sexuel de quelque chose qu'on n'a pas le droit, tout ce qui est en dehors du mariage. L'impureté, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas propre et pur. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité sont tous les trois des formes de désir. L'un plutôt sexuel, le second est tout désir pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Et la cupidité, c'est le désir de posséder de l'argent, d'être riche. Et notez que Paul prend la peine de dire que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Il ne dit pas pour les autres choses, ce l'est aussi, mais évidemment, il sait que la cupidité, c'est un des gros problèmes de chacun de nos cœurs. Et il dit, c'est l'idolâtrie. Ah, peut-être vous pensez que l'idolâtrie n'est pas un problème pour vous? Ça va? Ouais. Peut-être vous ne pensez pas que l'idolâtrie est un problème pour vous. Je ne sais pas, hein. Mais Calvin disait que le cœur de l'homme est une machine à créer des idoles. Et je vais vous donner une définition d'idole. Et comme ça, je suis certain qu'on est tous idolâtres dans l'Église. L'idolâtrie. Bon, on adore. L'adoration. C'est l'être ou la chose dans laquelle on trouve le plus de plaisir. C'est ça, adorer. Et donc si Jésus est l'être en qui vous trouvez le plus de plaisir, vous adorez le vrai Dieu. Mais si c'est autre chose, si c'est votre femme ou votre mari, vos enfants, votre succès, votre boulot, votre compte en banque, vos projets universitaires, si c'est autre chose que Dieu et son Fils Jésus en qui vous trouvez votre plus grand plaisir, votre plus grande joie, vous êtes idolâtre. Et la conséquence de l'idolâtrie, c'est au verset 6, Nathan, 6 et 7. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est sur le fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans cette vie. Donc c'est à cause de ces choses, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels, et là si tu es chrétien aujourd'hui, Paul s'adresse à toi, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc c'est pour ça que la première partie, c'est le chrétien se déshabille. On va montrer qu'est-ce qui s'est passé, mais notre passé a été enlevé. Mais ces actions méritent la colère de Dieu. L'idolâtrie mérite la colère de Dieu. Et ça, on le prend à la légère, moi le premier. Mais le texte m'a encore rappelé que la colère de Dieu, c'est quelque chose de tellement, tellement vrai dans la Bible, tellement présent. Et on l'a déjà vu au chapitre 1. Puisque Dieu a dû faire la paix par son Fils Jésus. Jésus a pris notre colère, il a subi la colère de Dieu à notre place. Oui, juste rapidement, j'avais cette pensée, je pense qu'on se justifie beaucoup trop rapidement. On n'est que humain, on se dit. Un argument typique, surtout je pense pour les mecs, on justifie notre usage de la pornographie en disant « c'est Dieu qui m'a donné une libido élevée et je ne suis pas marié, alors bon voilà quoi ». Et c'est classique, sur plein de sujets, on se dit « ben voilà, c'est comment je suis, je ne peux rien pour ça ». Et pourtant, le texte dit « c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est sur nous ». C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu est suscitée. Ah, maintenant, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Plus fort. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. 9. Ah oui, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Car maintenant, on ne vit plus dans les péchés. C'est le point de Paul. Il nous donne une deuxième liste de choses à faire mourir. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques et les mensonges. On connaît, je pense, ces termes. On va aller vite. Et on arrive à la solution pour se débarrasser de toutes ces choses. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors, on l'avait déjà vu au chapitre 2, un texte un peu bizarre qui parle de la circoncision de Christ, mais qui en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le déshabillement de tout notre passé, toute notre vie ancienne. C'est Colossiens 2, 11. On peut le lire ensemble. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Ayant été enseveli avec lui dans le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et voilà. Dieu, Jésus, nous a déshabillés de notre passé. Alors ça, c'est la solution. Parce qu'on dit, ben, la colère, c'est quelque chose qui me vient encore régulièrement. Peut-être les papas ressentent ça souvent. La colère me vient encore et j'ai du mal à la contrôler. Moi je sens ça déjà et je n'ai pas encore d'enfant. Je sais que ça va être quelque chose que je vais devoir traiter. Mais là, Paul nous donne la solution. On s'est déjà débarrassé de ces choses-là. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut encore continuer à vivre dans ces anciennes choses? Comment est-ce qu'on peut continuer à remettre des vieux habits? Et en effet, verset 10 dit: et ayant revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. On a maintenant on s'est vêtu de l'homme nouveau. On continue cette même image des fringues. On met l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ça veut dire que cette tenue qu'on met a la particularité de se perfectionner pour ressembler toujours plus à Jésus. Alors, Jésus nous a habillés et on ressemble à lui, mais on ressemble toujours de plus en lui à fur et à mesure que quoi? Dans le texte, il y a un mot. Dans la connaissance, à fur et à mesure qu'on le connaît. Alors, si vous voulez encore un argument pour mieux aimer Jésus, pour avoir plus envie de son retour, et en plus ressembler à Jésus, il faut le connaître. On n'a pas le choix. Il faut le connaître. Alors, quelles sont les applications? Les applications de ce texte, verset 10, c'est que ton passé est passé. Jésus a enlevé tes vêtements démodés, sales et troués, et il s'en est débarrassé à tout jamais. Tu ne les verras plus jamais, tu es une nouvelle créature en Jésus. Donc tu n'es pas obligé de remettre tes sales habits. Parce que deux, tu n'es plus esclave de ton péché. Si tu penses que tu es obligé de faire un péché particulier parce que c'est qu'est-ce que tu es, c'est comme ça que tu es, c'est pas vrai, n'écoute pas Satan. C'est un mensonge. Tu es mort à ton passé. Et troisièmement, tu as de nouveaux vêtements que Jésus t'a offert, que Jésus t'a vêti. Et un peu, si on veut utiliser l'illustration de chaque matin, tu dois choisir ta tenue. Les habits que Jésus t'a donnés sont là, sur le crochet de ta porte, et il faut que tu les remettes. Il faut que tu les remettes. Il ne faut pas que tu ailles chercher le linge sale. Alors, quand tu deviens chrétien, c'est la conclusion là, hein, c'est un peu difficile toute cette liste, mais c'est la conclusion. Peter, concentre-toi. C'est la conclusion de Paul, avant de passer au prochain. Là, il termine tout ce qui est négatif, hein, et dit, voilà, vous êtes débarrassé de ça. Et donc, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Quand tu deviens chrétien, toutes les anciennes classifications sont dépassées, sont périmées. Elles sont mises à jour avec une chose, Christ est en toi. Comme on a vu dans Colossiens 1, Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Quoi ? Ça arrive. Alors, Nathan, j'aurais une question pour toi. C'est quoi un site ? Alors, je vous explique. Il ne faut surtout pas le confondre avec son homonyme, le site. Ah non. Le site, ça c'est autre chose. Vous connaissez, non ? Star Wars ? Ça c'est autre chose, hein. Il ne faut pas confondre le site. Et non plus le confondre avec Sid, d'âge de glace. Ça c'est autre chose. Mais en fait, le site, c'est un peu le mélange des deux. D'accord ? Je t'explique. Le site, c'était quelqu'un qui habitait au nord de la mer Noire, donc un peu l'Ukraine, quoi. Et à l'époque, c'était connu comme étant les barbares des barbares, les plus incultes des barbares. D'accord ? Alors, Sid, il est inculte. Un site, c'est un barbare. Ça donne un site. Voilà. OK. Alors, on arrive à la partie 2. On va lire le verset 12. Ainsi donc, bien fort, on t'entend pas. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, occupez-vous de sentiments, de compassion, de douceur, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà. Alors, on arrive à la deuxième partie du texte. Il commence à s'exprimer positivement. Au lieu de tuer certains désirs en nous, il nous ordonne, Paul, maintenant, d'avoir certains désirs. Et c'est ici qu'on découvre le sens du titre. Les chrétiens sont les mieux fringués. On est censé s'habiller de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et vous ne pouvez pas dire, mais est-ce que c'est du légalisme de devoir faire ça ? Non. Parce qu'il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Le légalisme, c'est quand on essaye d'acheter notre salut, faire notre salut par ce qu'on met, par ces sentiments qu'on cherche. Mais là, il dit « Vous êtes élus de Dieu. » Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on croit à l'élection que Dieu nous a sauvés, nous a choisis depuis la création du monde. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. On est déjà saints. On est déjà aimés. Donc, notre action de maintenant prendre des habits, prendre ces sentiments de bonté, d'amour, de douceur, de patience, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter l'amour de Dieu pour nous, mais c'est une réaction à quelque chose qu'il a fait pour nous. Verset 13. Alors Paul sait qu'il y aura des problèmes dans nos églises, mais ce qu'il conseille, c'est de s'en parler et de se pardonner l'un l'autre. Il faut qu'on reste avec une communication ouverte. Et son argument est béton pour le pardon. Si Jésus vous a pardonné, combien plus vous devez pardonner ceux qui vous entourent? En effet, si notre lourde dette, entre autres le meurtre de Jésus pour nos péchés, est pardonnée, qui sommes-nous pour refuser de pardonner quelqu'un qui nous aurait dit quelque chose, quelqu'un qui aurait oublié de faire quelque chose, quelqu'un qui nous a fait quelque chose sur cette terre? Si Dieu nous a pardonné le meurtre de son Fils, qui sommes-nous? C'est sa pardon. Verset 14. Toutes ces choses. Plus fort. Par-dessus toutes ces choses, répétez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Super. Alors, on pourrait penser, c'est bon, j'ai mon pantalon, ma chemise, ma cravate, mes chaussettes. Mais Paul a encore une chose pour nous, le par-dessus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, Fanny, est-ce qu'on grandit dans notre amour les uns pour les autres? Est-ce qu'on redouble de créativité pour exprimer cet amour? Est-ce qu'on fait tous les efforts qu'on pourrait pour montrer notre amour les uns pour les autres? Voilà sa question. Je suis certain de la réponse. Mais je m'inclus là-dedans, hein. Je fais partie de l'église de Fanny. Est-ce qu'on fait tous nos efforts? On penserait que la liste est terminée, mais non, Dieu a encore quelque chose pour nous. Verset 15. Et la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Voilà, règne dans vos cœurs. Non, on va s'arrêter là. Alors c'est quoi cette paix? J'ai pensé au passage dans 2 Corinthiens 5, ce fameux passage où on est ambassadeur de Dieu. Et je le lis. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et c'est ce qu'on a vu dans Colossiens 1:20. Dieu a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant quoi? En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et nous, où en sommes-nous? Alors j'espère qu'on vit en paix avec notre femme, notre mari. J'espère qu'on vit en paix dans notre famille, mais si ce n'est pas le cas, faut qu'on gère ça. Mais est-ce qu'on est aussi des agents de réconciliation? Est-ce que c'est notre cœur qui crie tous les jours « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et ça, c'est un zèle qu'il faut qu'on se batte pour avoir. Tout comme il y a des ministères d'évangélisation, des ministères pour faire connaître la parole dans le monde, est-ce que nous, à Fény, on est des agents de réconciliation sur Fény, sur Maubeuge, sur notre village, où on proclame « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et la liste continue. Après l'amour et la paix, Paul ajoute Ouais, non, vas-y, tu as raison. Mais vas-y, et soyez reconnaissants, verset 16. Que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ça ? Oui. Que la parole de Christ. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Bon, il reste 2 semaines, donc on va s'arrêter là, je pense, pour les récitations. Et puis... Mais c'est bien, déjà, il y a 15 versets sur les 25. C'est bien parti, on applaudit Nathan. Alors, la liste continue, je le disais, chaque fois c'est « et », comme si, presque comme si, il... ah oui, j'ai oublié « et », mais c'est pas ça, hein, Paul n'est pas en train de faire ça, c'est la parole inspirée de Dieu, n'en doutez pas. Il dit « et soyez reconnaissants, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » On va aller vite là-dessus, mais Fanny, tout ce passage-là, d'abord j'étais dérangé parce que, mais il ne mentionne pas la prédication, il ne mentionne pas les livres, les groupes de croissance, les articles d'excellente qualité sur des blogs. Non, il n'y a rien de tout ça. Il ne parle que des chants. C'est quoi ça? Et puis j'ai loupé la fin du verset 15, et soyez reconnaissants. Il est en train de parler de l'adoration. Est-ce qu'on est une communauté qui a un zèle pour adorer Dieu, pour le louer tous les jours, en vertu de la grâce. Verset suivant, il termine avec un dernier « et ». Pour tout englober, il dit « et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que ce soit l'action la plus glorieuse, comme mourir pour sa foi en Corée du Nord, ou l'action la plus ingrate, changer la couche de son bébé par exemple, ou ramasser les crottes du chien dans la cour, Paul nous donne un ordre absolument énorme. Faites tout au nom de Jésus, pour la gloire de Jésus et pour le plaisir de Jésus. Tout comme on a appris dans Colossiens 1:16 que tout l'univers a été créé par lui et pour lui, ici, on découvre le but de notre vie. Dieu nous a créés pour une chose, le glorifier par notre vie. Et moi, je sais, en tant que jeune, pendant des années, je me posais la question, mais c'est quoi le but de la vie? Pourquoi je suis sur Terre? Je pose la question, voilà la réponse. Dieu t'a placé ici pour une chose, le glorifier dans toutes les sphères de ta vie, montrer au monde combien il est grand et précieux pour toi. Et puis, on arrive... La troisième partie, c'est beaucoup plus pratique, et le problème, on va aller très court, mais chaque fois, j'ai une page presque sur chaque verset, parce que ben voilà, il y a plein de choses à dire, en plus, parfois, c'est controversé, comme le premier, le verset 18, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » Aujourd'hui, on vous dit, c'est démodé, c'est moyenâgeux de dire un truc pareil. Paul parlait d'un truc culturel, il n'a pas du tout compris de quoi il parlait. Et c'est n'importe quoi, je suis désolé. C'est tout à fait biblique. Et on va quand même prendre un peu de temps parce que c'est quelque chose qui est contre-culturel, donc il faut qu'on prenne du temps dessus. Mais femme, que chacune soit soumise à son mari. Nous, on a des idées négatives, que la femme, c'est juste un esclave. Et tu la fermes et je ne veux pas t'entendre et tu fais ce que je te dis. Peut-être que c'est ça qu'on se dit, que la soumission. Mais ce n'est pas ça, selon la Bible. La soumission, c'est le respect et l'obéissance joyeuse et confiante à son mari. C'est les notions qu'on retrouve dans ce mot « soumission » et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits de Paul et de Pierre dans le Nouveau Testament. Prévu par Dieu depuis la création du monde, Dieu nous a créés hommes et femmes égaux, mais avec des rôles différents. Pas des rôles de plus ou moins de valeur, mais juste des rôles différents. Mais depuis la rébellion d'Adam et Ève, c'est un point où les femmes se révoltent régulièrement, car elles ont un peu raison. Elles savent que leur mari, depuis qu'il est pécheur, on ne peut plus lui faire confiance. Il est pécheur. Moi, je peux seulement me soumettre si je peux entièrement lui faire confiance. Mais maintenant, il est pécheur, il a choisi le fruit, il a désobéi à Dieu. Je ne peux plus lui faire confiance. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul défend la différence, et je pense que c'est tout à fait concluant. Il dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que l'intention de Dieu en donnant une épouse à Adam était donc qu'elle lui soit une aide, une conseillère, une servante, une amie. Et c'est pourquoi Paul dit que soyez soumise à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Alors, où en sommes-nous, Fanny? Épouse, êtes-vous sans reproche là-dessus? Car nos foyers ne pourront jamais être aussi heureux, ne pourront jamais être aussi épanouis, et Dieu ne pourra jamais être aussi glorifié que si vous vous soumettez humblement et joyeusement à votre mari. Écrivant à Tite, Paul dit, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que quoi ? Chapitre 2, verset 5, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas culturel, c'est que la parole de Dieu, Dieu nous a créés égaux, mais avec des rôles différents. Et puis ensuite, Paul arrive au mec et dit, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Marie, vous avez un ordre bien plus difficile. Vous devez aimer votre femme comme votre propre corps, Éphésiens 5, 28. Comme vous-même, Éphésiens 5, 33. Et Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, Éphésiens 5, 25. Marie, est-ce que vous vous donnez chaque jour pour votre femme? Est-ce que vous considérez ses besoins comme plus importants que les vôtres? Tout comme Jésus s'est sacrifié pour son Église, est-ce que vous vous sacrifiez avec amour pour votre femme? Si elle a du mal à se soumettre à vous, n'est-ce pas peut-être le signe que vous n'êtes pas un bon leader pour elle? Qu'elle ne peut pas vous faire confiance de prendre les devants, l'initiative? Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ajoute quelque chose de bizarre. Il dit que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Et il semblerait que c'est un des problèmes récurrents des hommes. Moi, je suis qu'à la première étape. Qu'on est prêt d'abord à décrocher la lune pour notre copine, fiancée, épouse. Et avec l'usure du temps, elle commence à nous laisser indifférente. On s'accoutume à elle. On néglige ses besoins. Et des choses qu'on trouvait si mignonnes, deviennent des sources d'irritation. Marie, est-ce que vous aimez votre femme? Seulement aimer, ou aimer seulement, peut être fait au nom du Seigneur. Et on ne peut pas aimer si constamment on se laisse irriter par des choses en elle. Il faut qu'on puisse l'aimer pleinement. Après, on arrive aux enfants, verset 20. C'est plus mon domaine d'expertise au passage, parce que ça fait 23 ans que j'en suis un. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Que tu as 5 ans ou 16 ans, voici une chose que tu peux comprendre. Si tu veux savoir comment être utile pour Jésus, comment le faire connaître à tes amis, comment faire plaisir à Jésus, voici la réponse. Obéis en toutes choses à tes parents, car cela est agréable au Seigneur. Mais dans l'obéissance, il y a deux aspects. Il y a l'obéissance, l'action. Ça, on est tous plus ou moins bons à le faire. Maman dit de faire son truc, on va le faire. Mais dans l'action, il y a aussi le cœur. Et ça, si on obéit sans le cœur, ce n'est pas de l'obéissance. Parce que Dieu voit les cœurs. Et il faut qu'on obéisse aussi avec notre cœur, avec joie, qu'on honore notre père, notre mère. L'un sans l'autre n'est que désobéissance, rébellion et péché. Ensuite, on arrive. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Alors, on va prendre un peu moins de temps là-dessus. Mais je pense pourquoi il est question de ne pas irriter ses enfants, c'est que les parents, et surtout les pères, on a tendance à être trop autoritaire et ne pas voir les points forts de nos enfants, de ne pas encourager. Les mères, je pense, elles voient ça. Elles voient le côté positif de l'enfant, elles vont l'encourager, elles sont plus tendres. Et les mecs, moi je vois déjà avec mes petits frères et sœurs hein, comment je suis. Je vais être plus cassant, plus « non, tu dois faire ça, tu dois m'obéir, machin, machin ». Et Peter semble tout à fait d'accord. Et on ne profite pas des années précieuses qu'on a avec eux. La parole vivante dit « Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. Évitez de leur faire perdre courage. » C'est l'exemple classique des films où le père regarde le match de foot de son enfant et à la fin du match, le père n'a rien de positif à dire, simplement il va lui dire ses erreurs. N'irritez pas vos enfants. Alors verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 22 est simple à comprendre. Vous me direz, il n'y a personne qui est serviteur dans l'Assemblée, c'est dépassé. Ben non, c'est très simple, on a déjà parlé dans le passé. On a dit, ça, maintenant c'est employé, ouvrier. On remplace le mot serviteur, et hop, c'est parti. C'est pertinent pour nous aujourd'hui. Et alors, rapidement, la question pour nous, c'est est-ce qu'on travaille avec la même efficacité quand personne nous regarde, quand personne nous évalue? Ou est-ce que notre performance est déterminée par l'évaluation extérieure d'un patron? Moi, je me souviens, hein, quand je faisais des boulots vraiment juste, je sais pas, simples, un peu bêtes, balayer. Balayer, c'est un des trucs les plus bêtes. Parce que balayer, demain, il faudra balayer de nouveau. Personne ne verra non plus si ce n'était pas super bien fait. Et pourtant, ton chef te dit, balaye le bateau, pour moi, c'était le bateau. Hein. Et on n'a pas trop envie de prendre trop de temps, on a peut-être autre chose à faire. Et surtout si on nous a dit, dès que vous avez fini, c'est carte libre pour la journée. On va vite, on termine. Voilà, je pense que ça dans le boulot, c'est souvent un souci. Comment est-ce qu'on travaille? Personne ne nous regarde. Et c'est pour ça que Paul dit, versets 23 et 24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Et Jésus nous voit toujours. Il est avec nous toujours. Et Paul est en train de nous dire, « Tout ce que vous faites, la chose la plus noble, la chose la plus banale, faites-la comme si votre patron était Jésus. » Et verset 25, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point de favoritisme. » C'est pour ça qu'au verset 22, Paul utilisait la crainte du Seigneur, c'est que Dieu va juger nos actions. Si votre collègue ne fait pas sa part du boulot, il est toujours en train de laisser les autres faire son travail, récupérer son sale boulot, bah, Dieu va le juger. De même, et là on arrive au dernier verset, « Maître, patron, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » C'est un verset tout à fait logique. En fait, Paul rappelle au patron que eux aussi, ils sont serviteurs de Dieu et ils devront répondre pour chacun de leurs actes à leur patron, Jésus-Christ. D'un côté les serviteurs, d'un côté les employeurs, tous ont un patron, Jésus, et ça donne une excellente éthique de travail, si vous pensez à ça. On a envie de travailler pour Jésus. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce n'est qu'une question de plaire à quelqu'un ici, c'est plaire à Jésus qui nous voit constamment. Alors, quelles applications pour ce chapitre 3? Si tu as des questions, toi, Nathan, tu dois m'en parler cette semaine, hein. N'hésite pas. J'ai essayé de prendre les quelques trucs qui pourraient être utiles. Mais quelles... Pour être les applications. D'abord, résumons, maintenant, résumons les trois parties. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Par Jésus, on a été déshabillé de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne identité. Oui, ça va? Donc c'est vraiment facile l'image. On avait des chiffons, sales, déchirés, démodés. On les a enlevés. Jésus nous les a enlevés. Et il nous a habillés de nouveaux habits. Et deuxième partie, Paul nous supplie à partir du verset 8 de continuer à revêtir ces habits. Chaque matin, de mettre ces habits, d'avoir ces sentiments d'amour, de tendresse, de vérité, de douceur, de reconnaissance et un désir de faire tout à la gloire de Dieu. Et c'est le verset le plus important dans le passage. Ce serait le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, troisième partie, on arrive à des exemples de bons comportements. Des exemples pratiques, comment s'habiller. Alors, des exemples dans le couple, la famille et le travail, et j'espère que chacun de vous aura retrouvé quelque chose à améliorer, à part les forces que Jésus nous donne, comme on a lu à la fin du chapitre 1, par la force que Dieu nous donne de changer ces choses. Mais quelques applications que j'ai trouvées. Vivre, numéro un, vivre pour la gloire de Dieu. Plus besoin de se demander pourquoi je suis sur terre. Dieu nous a dit, ici, qu'il nous a créés pour qu'on vive chaque jour avec l'objectif de montrer au monde combien Jésus est ce qu'il y a de plus précieux, de plus glorieux pour nous. Et je sais que c'est quelque chose qu'on doit se battre tous les jours. Deux, une bonne manière de commencer à vivre pour la gloire de Dieu, c'est de vivre en s'habillant tous les jours d'amour, de chercher à réconcilier tous les hommes avec Dieu et d'être débordant de reconnaissance. Ce sont les trois points les plus forts au niveau des sentiments. C'est pour ça que Paul dit « et ». Il les met en valeur comme ça. « Et l'amour, et la paix, et la reconnaissance ». Commençons avec ces trois choses cette semaine. Et trois, est-ce qu'on a vu des choses à changer dans notre vie d'épouse, mari, enfant, parent, employé, employeur? Notez tout de suite ce qui ne va pas et soyez résolus de changer quelque chose cette semaine et en créer une habitude déjà par les forces que Dieu nous donne par son esprit. Et quatre, est-ce que vous avez du mal à vivre pour les choses d'en haut? Si oui, examinez votre cœur et tuer les idoles que vous avez créées. Si Jésus est votre Dieu, vivre pour les choses d'en haut est un plaisir, un privilège et la chose la plus naturelle. J'espère que ça peut être simple, ça, mais si on n'arrive pas à vivre pour ce qui est en haut, c'est parce qu'on s'attache trop à des choses en bas et on a fait des idoles, des choses en bas.